un culte jeune. Alléluia. Amen. Et nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Let us pray. Père, merci pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, ta parole est vérité. Donne-nous, Seigneur, tout ce qu'il nous faut pour survivre et pour arriver jusqu'à la fin. Nous voulons nous donner entièrement à toi, Seigneur. Prends nos vies et fais ce que tu voudras avec. Nous sommes disponibles, nous sommes disposés, nous sommes prêts à faire ton œuvre. Merci de nous faire la grâce, de nous donner, Seigneur, la volonté et le vouloir et le désir de faire ta volonté. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Please be seated. Amen. Praise and worship. Well done. Amen. C'est powerful. Amen. La chorale. Well done. Même ceux qui n'ont pas répété avec vous ont chanté. Et vous voyez ce que ça donne lorsque vous ne répétez pas, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas les paroles. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes bénis d'être ici ce soir. Merci d'être restés. Parce que ce n'est pas évident. Hein? Qui a faim? Tchèche! Vous risquez de dormir? Ok. Donc, pendant les deux premières cultes, je parlais de la prière, n'est-ce pas? Et quand je me préparais, il y avait quelque chose que j'ai remarqué, que j'aimerais partager avec vous. Amen. Toujours dans l'histoire de Daniel. Alléluia. Daniel chapitre 1. Le verset 1. Nous sommes des leaders. Et la semaine passée, on a vu que nous devons être des exemples, n'est-ce pas? Yes or no? Yes. Ok, donc, nous allons apprendre à être des bons leaders, des bons exemples à suivre. Amen. Et un leader ne dort pas dans la réunion. Je me rappelle l'histoire que Bishop a racontée d'un groupe de ministres de finances qui se sont réunis avec quelques personnes de la Banque mondiale ou Fonds monétaire international qui sont venus discuter et parler de l'état de l'économie d'un certain pays africain. Il y avait des ministres de finances et des ministres haut placés dans le gouvernement. Et le ministre de finances dormait tout au long, toute la durée ou la durée de la réunion. Et quand ils ont dit certaines choses et on voulait lui poser une question, parler de l'état du pays, comment le pays était devenu pauvre, on lui pose une question, « Ministre, qu'est-ce que tu en penses ?» Il se lève la tête et il dit, « Mon pays n'est pas pauvre. » Et puis, il dort encore de nouveau. Il dormait durant une réunion qui concernait son pays et sa domaine, ministre de finances. Et c'est la même chose lorsqu'un leader d'église, un berger, dort pendant les cultes. Si vous n'êtes pas intéressé par le culte, pourquoi tu es leader dans l'église? Si ça ne t'intéresse pas, parce que c'est un culte de leader. Pourquoi tu es ministre de finances si l'état de votre économie ne vous intéresse pas? Peut-être tu penses que tu connais tout déjà. Et tu peux te permettre de dormir. Alléluia. Donc, nous sommes des leaders et nous allons nous comporter comme des leaders. Deuxièmement, on ne mâche pas le chewing-gum. Vous mâchez le chewing-gum parce que vous avez sommeil.

d'un jour à l'autre. Vous ne devenez pas un chef de bureau d'un jour à l'autre. Si vous voulez avancer dans votre métier ou dans votre domaine, profession, vous voulez avancer en tant que mari ou père, ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Amen. Faut commencer tôt. Alléluia. Faut commencer tôt à apprendre et à te préparer. Alléluia. Amen. Les gens qui deviennent présidents de leur pays, ils avaient voulu être présidents depuis. Ils attendaient seulement l'opportunité. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui pour dire, je pense que président, là, ça me dit, c'est pas mauvaise idée. Tu seras un très mauvais président. Amen. Parce que tu t'es pas préparé. Tu es venu peut-être par un coup d'État et tu vas juste te comporter comme quelqu'un qui est venu par coup d'État. Tu vas te comporter anyhow. N'importe comment. Tu vas faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pensé à ça tôt. Sinon, tu allais bien te préparer. Amen. Daniel, la Bible dit qu'il faisait partie d'un groupe de jeunes qui ont été pris captifs. Ils avaient été sélectionnés par le roi. Le roi avait envoyé quelqu'un, il dit, sélectionne parmi les jeunes garçons des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. Daniel n'était pas n'importe qui. Race royale ou famille noble. C'est-à-dire, ils avaient de l'argent. Ils étaient aisés. Habitués à avoir ce qu'ils voulaient. Yeah. Habitués à commander. Je veux ça, je veux ça. Et puis les gens couraient autour pour préparer et donner ce qu'ils voulaient. Lorsqu'ils étaient pris captifs, sélectionnés pour être dans la maison du roi. La Bible dit, deux jeunes, verset 4, deux jeunes garçons sans défaut corporel. Ça veut dire qu'il y avait des jeunes garçons qui étaient de race royale et de famille noble, mais ça avait des défauts corporels. Je ne sais pas quel défaut. Peut-être le nez est trop gros. Les longues oreilles. Les yeux étaient trop petits. Je ne sais pas. Mais, à part le défaut corporel, la Bible dit aussi beau de figure. Top modèle. Je ne sais pas ce que le roi voulait faire avec ces jeunes garçons. Mais la Bible dit, sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse. Donc les gens commençaient à s'éliminer un par un. Tu peux être beau de figure, mais tu manques d'intelligence. Tu peux être sans défaut corporel, mais tu n'es pas beau de figure. Tu n'es pas doué de sagesse. Tu n'es pas intelligent. L'intelligence, ça se voit par rapport aux décisions que vous prenez. Ce n'est pas une intelligence de pouvoir calculer 2 plus 2. C'est de pouvoir lire entre les lignes et comprendre quelque chose. Alléluia, alléluia. Doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Et capable de servir dans le palais du roi. Capable, c'est pas tout le monde qui est capable de servir dans le palais du roi. C'est pas tout le monde qui est capable de servir dans le palais du roi. Et quand on parle de servir dans le palais du roi, il dit, c'est pas tenir seulement le plateau et puis ne pas verser de l'eau sur le roi. Parce que si tu sers dans le palais du roi, tu vas entendre beaucoup de choses. Et si tu n'es pas capable de servir dans le palais du roi, tu vas révéler beaucoup de secrets. Capable de servir. Beaucoup d'entre vous ne sont pas capables de servir. Vous n'êtes pas capable de servir parce que vous ne savez pas garder un secret. Vous n'êtes pas capable de servir parce que quand vous écoutez quelque chose, vous ajoutez du sel, du piment, de tomate, mayonnaise, tout à ce que tu as entendu et tu vas raconter. Tu n'es pas capable de servir au palais du roi. Et ce n'est pas tout le monde qui s'approche du roi. Yeah. Ce n'est pas tout le monde avec qui je peux travailler. Je ne suis pas reine. Mais dans ma petite position que j'ai, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est capable de servir auprès de moi. Pas parce que vous n'êtes pas capable, mais vous n'êtes pas capable de servir auprès de moi. Vous pouvez être capable de servir ailleurs. Amen. Donc, il y a certains signes que ces eunuques cherchaient. Je ne sais pas quel signe c'était. Mais quand ils regardent un, ils disent oui, ça peut aller. L'autre, il dit attends d'abord. L'autre, il dit est-ce qu'on essaie? Ok, on revient. L'autre, il y a des choses qu'ils cherchaient. Il dit ok, il remplit ses critères, mais pas l'autre. Il est beau, il est grand, il n'a pas de défaut corporel à ce que nous voyons. Mais on dirait qu'il manque de sagesse. On dirait qu'il manque d'intelligence. Tu peux être intelligent, très intelligent, mais tu ne peux pas servir dans le palais du roi. Pourquoi? Parce que tu es trop orgueilleux par rapport à ton intelligence. Amen. Capable de servir auprès du roi. Amen. Vous voyez que Daniel n'était pas n'importe qui. Déjà, c'était un jeune garçon, peut-être 14 ans, 16 ans, je ne sais pas, 18 ans, je ne sais pas. Des jeunes garçons qui étaient pris. Let's continue. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, comme les bétails. Comme des vaches, les élever, préparer à l'élevage. Ils avaient des projets pour ces jeunes garçons. Amen. Donc, il était très spécifique. Il cherchait, il savait ce qu'il cherchait chez ces jeunes garçons. Et il était prêt à sacrifier sa propre nourriture pour qu'ils deviennent ce qu'ils voulaient. Un roi qui sait quel genre de personne il veut dans sa maison, il est prêt à investir dans ces personnes. Pourquoi? Parce que tu peux regarder quelqu'un sans défaut corporel, beau de figure, on dirait qu'il est intelligent, on dirait que ça va. Mais il y a encore un investissement que cette personne a besoin, ce dont cette personne a besoin, pour être en mesure d'assumer. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent à une église, par exemple, dans un autre pays. Vous étiez chrétienne déjà. Vous connaissez la parole déjà. Mais quand vous venez dans une autre assemblée, soyez prêts à apprendre, à recevoir l'instruction pour pouvoir être capable d'assumer là où tu te trouves. Amen. Soyez humble pour recevoir l'instruction. Le roi savait quel genre de personne il voulait. Quel genre de peau il voulait voir. Ce qu'il savait quel genre de personne. Il dit, mange ça, parce que je sais que ça te fera du bien. Mange ça, parce que c'est ce que moi, je veux en tant que roi. Mais quel est le résultat qu'il cherchait? Il voulait des garçons à part, capable de servir dans le palais du roi. Amen. après 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux des enfants de Judas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'était des enfants, des jeunes garçons. N'oubliez pas ça. Le chef des eunuques leur donna des noms, blablabla, blablabla. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel résolut. Il ne voulait pas se souiller. En tant que jeune, on lui avait appris que ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois manger. On lui a appris que ce n'est pas partout où tu vas ouvrir la bouche pour prendre et manger. Il a dû apprendre ça quelque part. En tant que jeune. Et quand il se trouvait dans un milieu où il voit des choses auxquelles il n'est pas habitué, il a su que ça là, je ne dois pas participer. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé comme ça. Il a été formé. C'est comme ça qu'il a grandi. Amen. Sa formation était importante pour lui. Amen. Et quand il s'est déplacé, il a changé de milieu. Il n'a pas oublié ce qu'il a appris. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas oublié ce qu'il a appris. Bon, bien qu'il soit tenté, je suis sûr qu'il était tenté. Il a vu des mains venant du roi. Des raisins, tout. Tout ce que le roi mangeait. Et tu sais que ce n'est pas le gari. Même pas la tchèque, même pas. Ce que le roi mange, c'est pas le gari. C'est pas les ailes du poulet. Non. Amen. Donc il était peut-être tenté. Il a vu, il a dit, ça a l'air bondé. Mais il n'a pas oublié d'où il venait et ce qu'il avait appris lorsqu'il était encore plus jeune. Il a dit, si je mange ça, si je participe à ça, si je permets à ce que cette chose entre dans ma bouche, quelque chose de terrible va m'arriver. Le fait de changer le milieu n'a pas changé sa résolution. Amen. Vous êtes des leaders. Là, aujourd'hui, vous êtes en formation. C'est un culte, oui, mais c'est une formation. Je prends le temps de m'investir. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous seraient des très bons leaders. Seraient des très bons outils dans la main de Dieu. Capables de faire beaucoup de choses. Capables de servir dans la maison du roi des rois. Amen. Quand vous changez de milieu, parce que beaucoup d'entre vous, vous allez changer de milieu. Peut-être vous allez retourner au pays. Quand vous changez de milieu, n'oubliez pas ce que vous avez appris lorsque vous étiez jeune en formation. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous oublions. Nous oublions très rapidement. Voilà pourquoi la majorité de personnes, lorsqu'ils partent en voyage, en vacances, quand ils reviennent, ils ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu à leur résolution. Au Ghana, c'est facile d'être résolu, de dire ça là, je ne fais pas. Ça là, je ne fais pas. Ça là, je ne fais pas. Mais dès que vous changez de milieu, et vous voyez les mains venant de la table du roi, Vous voyez le vin de qualité. Beaujolais nouveau est arrivé. Hey! Et tu penses au gari que tu mangeais depuis? Indomie. Oh! Tu es tenté. La Bible dit Daniel résolu. Beaucoup de personnes ont peur de retourner. Pourquoi? Parce que la résolution n'est pas là. Et pas que vous êtes tellement amoureux du Ghana, tu ne veux pas quitter. Oh, ne dis pas que je ne veux pas retourner. Ne dis pas ça, oh, je ne veux pas. Tu ne veux pas parce que tu n'as pas résolu. Ta résolution n'est pas forte. Ta résolution est instable. Oh, Lady Pastor, je veux bien ne pas me souiller, mais on ne sait pas au cas ce qu'on va trouver là-bas. C'est que tu n'as pas résolu. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. De ne pas se souiller. De ne pas changer ce qu'il a appris. De ne pas changer ce dont il était habitué à faire, de ne pas changer ses habitudes, ses manières, sa manière de se comporter. Il a résolu de ne pas se souiller. Daniel, même parmi tous ces garçons, il y avait 4 qui étaient à part. Et parmi ces 4, il y avait encore quelqu'un. Plus spécifiquement. Amen. Dans chaque groupe, il y a un leader. Certains sont des leaders naturels. Faites attention à qui vous suivez. Quand vous avez des amis, il y a quelqu'un qui est toujours, on dirait, le leader. Il n'a pas été sélectionné, mais naturellement. Hein? C'est inné, hein? Naturellement, il y a un leader et il y a les autres qui suivent. Parfois, il y a des clashs parce qu'il y a peut-être 2 leaders. Et puis, ils ne s'entendent pas parce que tout le monde veut ce qu'il veut. Souvent, il y a un leader. Faites attention à qui vous suivez. Faites attention à vos amis. Parce que certains vont vous guider, vous conduire dans des bêtises. À mal vous comporter, à ne pas garder tes résolutions. Surtout quand ce sont des frères en Christ, dans l'église. Vous dites que nous sommes tous, oh mais nous sommes tous dans l'église. Moi je ne jeûne pas. Moi je ne suis pas sûre que Lady Pastor, que vous voyez là, elle jeûne. Même quand on prie là, on ne les voit pas tous les jours. Hein. Toi tu veux partir tous les jours. Une fois que la semence est semée dans ta tête, tu commences à remarquer l'absence du Lady Pastor. Mais tu ne sais pas ce que Lady Pastor est en train de faire. Tu n'as aucune idée. Amen. Faites attention à qui vous suivez. Daniel résolu. Et il a pris la décision de parler à l'eunuque. Il a risqué. Et la Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Je crois que Dieu a fait trouver Daniel, a fait trouver la grâce auprès des yeux de l'eunuque. Pourquoi? À cause de la résolution qu'il a prise. Dieu savait que dans son cœur, il veut me servir. Dans son cœur, il veut me faire plaisir. Donc, je vais tout faire pour lui faciliter la tâche. Parfois, vous allez prendre une décision difficile. Et vous serez étonné de combien c'était facile, après tout, d'obéir ou de suivre votre décision. Vous allez trouver, mais cette chose que je croyais que j'allais vraiment souffrir pour le faire, regarde comment c'est facile. Parce que Dieu voit ton cœur. Amen. La Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. J'ai peur que si tu ne fais pas ce que le roi dit, j'aurai des problèmes. Daniel insiste. Si c'est beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas insister. Si on a essayé, parce que moi, quand j'ai parlé, il n'a pas voulu écouter. Donc j'ai laissé. Il dit, parce que quand je lui ai dit d'arrêter, il n'a pas voulu m'écouter, il a insisté. Donc voilà le résultat. C'est parce que tu n'es pas fortement résolu dans ton cœur. La résolution n'est pas profond et ancré. C'était pas ferme. Donc, j'avais résolu, avant de partir, je me suis dit là, ça là, je ne vais pas faire. Ça là, je ne vais pas faire. Ici, je ne vais pas faire. Mais quand je suis allée, les parents insistaient. Votre résolution sera testée. Amen. Quand vous allez retourner au pays, les résolutions seront testées. Ah, tu dis que tu ne vas plus coucher avec les filles. Toi qu'on connaît là. Toi qu'on connaît. Ah, aujourd'hui tu dis que tu ne couches plus avec les filles. Même si je t'envoie une belle, tu ne vas pas accepter. Tu es sûr. Puis tu vois que la résolution commence à... Déjà, tout ce que tu as à dire, c'est toi là. Au lieu de fuir, au lieu d'insister, au lieu de refuser, commence à jouer. Toi là, tu penses que j'ai blagué. Tu sais, J'ai changé. Ta résolution n'est pas sincère, n'est pas ancrée. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous tombent en chemin. Tu dis que tu vas faire quelque chose et tu ne le fais pas. Pourquoi? Juste une petite résistance. Et je ne veux pas avoir des problèmes avec le roi. Tu dis, moi aussi je ne veux pas avoir des problèmes avec le roi. Tu mets ta résolution de côté. Daniel n'a pas refusé d'être dans la maison du roi. Sinon, il allait dire, moi aussi je viens d'une famille royale. Moi aussi je viens d'une famille noble. Pourquoi vous me prenez? Je suis esclave. Maintenant, non, il n'a pas été rebelle. Il a dit, je ne veux pas manger ça. Le résultat, qu'est-ce que vous cherchez comme résultat? Qu'on devienne encore plus beau, plus brillant, plus nice, n'est-ce pas? Juste, fais-moi confiance. Donne-moi 10 jours. Négociez. Beaucoup d'entre vous, avant de quitter, même si mes parents ne vont pas accepter que je vienne à l'église. Je connais ma famille, ils ne vont pas accepter. Déjà, tu as déjà baissé les bras avant de quitter. Et tu confesses déjà que tu ne peux pas arriver. Je connais ma famille, ils ne vont pas accepter. Il ne faut pas permettre. Je dis, parce que là où l'église est à Kengele, c'est loin de chez moi. Je sais, je connais mes parents. Avant même de quitter le sol du Ghana, tu as déjà désisté. Tu n'as pas résolu. Parce que tu n'es pas convaincu. Daniel savait que si je mange là, se souiller veut dire quoi? Je serai affecté. Et si je prends un goût, one taste, une goutte, hein, une goutte ou un goût? Un goût, une goutte. Pas une goutte, un goût. Non, un goûter. Just if I taste it. What is it? Un goût, une bouchée. Hey! My goodness. Ah bah! Si je prends une bouchée de ce mets, je serai contaminé à jamais. Je vais tellement aimer que je ne pourrai pas résister. Quand vous retournez, je vous dis, moi, que vous serez invité par vos anciens amis. Ça, c'est sûr. Les anciennes copines vont appeler pour dire que, oh, j'ai entendu que tu es de retour. Oh, mais on dirait que le Ghana te va, hein? On dirait que le Ghana te va. Et tu es revenu, donc tu parles anglais. Ok, je t'invite et on va parler anglais ensemble. Ok, ok. Tu vas me donner des cours à la maison. Tu vas me donner des cours d'anglais à la maison. Et Daniel sut, il dit, si je prends une bouchée, ça n'ira, c'est pas bon. Something will happen to me. Just one taste. Donc il vaut mieux que je ne mange pas. Je n'accepte pas. Parce que j'ai résolu. Je ne veux pas être souillé. Hey! Est-ce que votre résolution va tenir? Est-ce que votre résolution va tenir? Il dit, je ne veux pas me souiller. Je ne veux pas me souiller. Ça ne veut pas dire que la nourriture était sale ou contaminée. C'était très bon. Filet d'agneau. Navaret d'agneau. Le porc bien braisé. Le gibier d'antilope. Un vin raffiné. Il faut voir son visage alors qu'il parle de la nourriture. Tu dis quoi? Croissant fondant. Croissant fondant. Et quoi encore? Tu le... Hmm? La calebasse sautée. Qu'est-ce que la calebasse sautée? Du poulet DG. Poulet DG. What is that? Poulet DG. And what else? Côte de porc. Côte de porc. What else? Gratin. Gratin. Gratin. Avec un bon fromage. What else? Les côtelettes de bœuf frites aux échalotes. Sur la table du roi. Et quoi encore? Le thon niçois. Thon niçois. And what else? C'était notre... Vous êtes habitué à checker poulet braisé, à checker les poissons braisés. Croque monsieur, croque madame. Sur la table du roi, je suis pas d'accord. Croque monsieur, croque madame. Non. Du caviar. Du caviar. Hmm? Du homard. Du homard. Ouh. Crabe, langouste. What else? Farci, what something something farci, tomate farci, le cap farci. And then what else? Le foie gras, la foie, how do you say, foie gras. La dinde au vin. Hein? La dinde au vin blanc. Dinde au vin blanc. What else? What else? À la table du roi, à la table du roi. Le poulet y a ça, le poulet y a ça. C'est un roi congolais. Filet mignon. Le filet mignon. Quoi d'autre? L'absolu fibé dans le Niamboué. Non! Si tu donnes ça à la reine d'Angleterre, elle ne va pas manger. Quoi encore? Les écrevisses à la mascarpone. Je n'arrivais pas à répéter ce qu'il a dit. Le glacier. Le glacier. What? Des glaciers. Des desserts. Of course, vous avez oublié le dessert. Vous n'avez même pas parlé de la salade. L'entrée. À part le caviar. What else? Hey, you are taking pictures of me. Quoi encore? À demain? Le what? Lasagne à la sauce béchamel. Non, le roi ne va pas manger ça. Yeah! Imaginez la table. Donc, ce n'était pas que la nourriture était contaminée. Chut, mais il savait quel effet manger, goûter, aller avoir sur sa personne. Juste une bouchée. Juste un bisou. Just one kiss. Oh, mais tu m'as manqué. Il va rougir en même temps. Tu m'as manqué. Je sais que si je prends une bouchée, je vais me souiller. Même juste l'odeur. Même juste le parfum. Ça va te rappeler les jours. Les jours. Les souvenirs. Il y a certains chants quand tu écoutes. Des frissons. When they are singing, donne-toi entièrement. Then you sing, ooh, I remember. Ah. I remember. Lady Pastor me dit, ah, mais c'est le chant. J'ai dit, oui. Même juste la musique peut te souiller. La musique. Regarde, toi, tu es enseignant. Certains artistes. When you hear the name, oh, ouh. Ça te rappelle? Daniel, je me rappelle. Ou bien la personne m'a dit, est-ce que tu ne te rappelles pas? Ça, c'était notre chant. Peau de banane. Daniel résolu, il dit non là. Si je mange les mets de la table du roi, je serai souillé. Donc il vaudrait mieux que je ne mange pas. Pardon, donne-moi des légumes et de l'eau. Combien d'entre vous allez refuser le filet mignon, what did you say? Poulet, c'est ma crabe farcie et pour manger les légumes et de l'eau, refuser le vin rouge pour de l'eau, pure water, pure. Combien d'entre nous, les artichauts? Les légumes qu'on mange seulement chez les Blancs. Tu vas refuser ça pour manger les légumes qu'on mange ici, là. Et de l'eau. Même pas un Fanta. De l'eau. Combien d'entre nous? Daniel savait ce qui était en jeu. Je peux bien être à la table du roi. Je peux être bien placé dans les yeux des hommes. Mais je sais que je ne suis pas prêt à payer le prix. Je ne suis pas prêt à payer ce prix. Je préfère qu'on ne me sélectionne même pas. Je ne veux pas être souillé. Je préfère qu'on se moque de moi. Je suis idiot, insensé. Une opportunité d'aller travailler dans la maison du roi. Une opportunité d'aller travailler à Tota. Schlumberger. Elf Aquitaine, ça existe toujours. Ecobank. Une opportunité comme ça. Mais il va falloir payer un certain prix. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages. Ils disent, c'est difficile de trouver un travail parce que tu dois maintenant entrer dans un loge. Avant de trouver un certain type de travail. Combien d'entre nous vont garder tenir à notre résolution pour ne pas être souillés? Tu es à la maison 2 ans, tu n'as pas de travail. Est-ce que tu seras tenté? Si c'est juste la loge, Je peux continuer à aller à l'église? Je peux continuer à faire ce que je fais dans l'église? Are you sure? Daniel a dit, si j'ose, si j'essaye même, ça va me souiller. I'm finished. Il a résolu dans son cœur. Il n'a pas résolu dans sa tête, dans son cœur. En tant que jeune, il ne savait pas ce qu'il attendait au palais du roi. Il ne savait pas. Il était pris prisonnier. Mais face à la situation, tout de suite, il a su que, si je vous fais cette erreur, quelque chose de terrible va m'arriver. Ça veut dire que depuis, les habitudes, ce qu'il a appris chez ses parents, sont restés avec lui. Voilà pourquoi il n'a pas échoué. Il n'a pas oublié ce qu'il a été appris. Ce que les parents lui ont dit. La manière dont il a compris les choses, ce n'était pas évident qu'il refuse, qu'il se détourne. Beaucoup d'entre nous, on vous enseigne, on vous parle, mais l'enseignement ne rentre pas. Vous n'êtes pas enraciné dans la parole. Vous êtes juste sur la superficie. Vous faites semblant. Vous restez sur la surface. En train de nous tromper. Nous sommes impressionnés. Nous là. Nous sommes impressionnés. Mais il n'y a pas de racine. La formation vient, ça entre par ici, ça sort par ici. Parfois ça sort par les narines même avant d'arriver de l'autre côté. Moi, je suis impressionnée par vous tous. Vous êtes venus pour le troisième culte. Mais combien d'entre vous sont vraiment sincères avec le Seigneur? Dans combien de vous est-ce que la parole est entrée, enracinée, pour vous empêcher de vous souiller le jour, quand le jour arrivera? Quand les mets de la table du roi passe devant toi comme ça. Quand tu pars. Grappe-ci. Le camembert. Je sais pas ce qui va te tenter là. Ton visage est trop sérieux. C'est un gagnant. Yeah. Une belle petite fille de votre passé. Le monsieur qui t'a payé le billet d'avion pour aller en France la première fois. Entre nous. La parole n'est pas deep. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous vont tomber. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ne vont pas garder notre résolution. Yeah. Ça va vous suivre dans tout ce que vous allez faire. La Bible dit qu'un homme instable, il est instable dans toutes ses voies. Lorsque vous n'êtes pas capable de garder votre résolution maintenant, vous ne serez pas capable demain. Yeah. Quand la tentation sera plus forte. Ici, tu es tenté par quoi? Frankie, c'est quoi? C'est rien. Papaye. Ce n'est pas une KFC. Ça, ce sont les tentations. Vous pouvez damer sur ça. Ce n'est pas une tentation. C'est parce que nous ne sommes pas deep. Daniel a appris ces choses quand il était jeune. Arrivé tout de suite, il a su que non. Hey, this thing is dangerous. It's dangerous. Il vaudrait mieux que je n'essaie même pas. Donne-moi seulement des légumes et de l'eau. Je me connais. Je me connais. Pardon, moi, je ne veux pas. Tu dis, bois de nuit. Pardon, je me connais. Tu dis quoi? Une fête. Ancien camarade de l'école internationale Léon Mba. pardon, je me connais. Je me connais, je ne pars pas. Oh, tu vas voir les anciens copains de la classe, le CP1, le CE1, ils sont tous là. Même l'autre là, il est en ville, hein? Il est revenu. Hein? Je me connais. Tu me connais. Pardon. Donne-moi des légumes et de l'eau. Tu peux avoir l'air bizarre, tu peux te sembler que j'ai perdu la tête. It's okay. Dis ce que tu dis. Moi, je me connais. Je connais ma faiblesse. Je ne connais ce dont je suis capable. Je ne sais ce dont je sais ce dont je ne suis pas capable. La Bible dit que celui qui prend d'être pense qu'il est debout, qu'il prenne garde. Qu'il prenne garde. Daniel dit, je me connais, oh, ça là, ça va changer mon destin. Je ne veux pas. Quand le eunuque dit, oh, mais le roi, j'aurai des problèmes, il dit non, t'inquiète. Juste essaie, fais un essai. Pourquoi est-ce qu'il était si confiant? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait pourquoi et qui il servait. Il dit, mon Dieu ne va pas me permettre de me souiller. La Bible dit, à cause de son cœur, Dieu lui a fait grâce. Et pendant 10 jours, il mangeait les légumes et il buvait de l'eau. Et il faisait tout avec les autres. Il suivait les cours, partait en classe, tout ce qu'il devait apprendre. Il n'était pas rebelle. Il a tout suivi. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils étaient encore mieux. Ils avaient encore meilleure mine, meilleure santé que ces garçons qui étaient en train de se souiller, saoulés. Avec le vin rouge de qualité. Parce que c'était des gens habitués à la luxe. N'oubliez pas, ils venaient de bonnes familles, race royale. Donc ils se sont dit, ah, mais on a quitté de chez nous, donc on ne va pas trop souffrir. C'est pas aussi mauvais que tout ça. Pas aussi mauvais que tout ça. Oh, donc vous avez ici aussi le Beaujolais nouveau. Oh. Pourquoi pas? Donc ici vous mangez aussi la crêpe farcie. Oh, mon plat préféré. Croissant fondant. Oh. Au petit-déj, fantastique. J'étais habitué, mais Daniel savait que non. This thing, ça va ouvrir des portes. Et j'ai peur d'entrer par cette porte. Je ne veux pas prendre le risque. Il résolut de ne pas se suer. Avant de quitter le Ghana, soyez enracinés dans la parole. Aimez la parole. Aimez la présence de Dieu. Aimez la présence du Saint-Esprit. Désirez de ne plus jamais quitter sa présence. Demandez à ce qu'il vous suive partout où vous irez. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux rien faire qui va t'éloigner de moi. Ça, c'est ma résolution. Et quand vous arrivez devant la tentation, vous avez déjà pris la résolution. Ce n'est pas devant la table et les mains du roi que tu vas dire, je mange pas. Ce n'est pas devant la crabe farcie que tu vas réussir à prendre une décision. Ce n'est pas devant la belle fille que tu vas réussir à prendre la décision. Ce n'est pas devant le garçon qui tourne les clés comme ça que tu vas prendre la bonne décision. Ce n'est pas évident. C'est maintenant que vous devez prendre la décision. Vous qui êtes mariés là maintenant, vous êtes mariés ici. Vous avez rencontré vos épouses ici. Arrivez au pays, quand vous allez voir les anciens, les anciennes. Ancienne conquête. Hey. C'est aujourd'hui ici que vous devez résoudre. Que pour moi, c'est un homme, une femme. Je ne veux pas avoir des enfants à gauche, à droite. Si Raphaëlla aura des sœurs et des frères, c'est une situation où c'est ma fille et ta fille sont en train de battre notre fille. Ma fille et ta fille sont en train de battre notre fille. Ton fils et mon fils sont en train de battre notre fille. C'est pas bon. Est-ce que vous comprenez, ma fille et ta fille sont en train de battre? Vous comprenez? Qui ne comprend pas? Yeah. C'est ici que vous devez prendre cette résolution, pas là-bas. Parce qu'ici, c'est simple. Daniel n'a pas changé quand il a changé de milieu. C'était un jeune. N'oubliez pas ça. C'était un jeune. Quand il a été pris, il était jeune. La Bible dit des enfants. Ce sont les mots qu'ils utilisent. Des enfants, des jeunes garçons. Pas des jeunes hommes. Des jeunes garçons, des enfants. Et que des gens qui sont capables d'être formés. Vous, là, vous êtes vieux. C'est pourquoi vous avez du mal à apprendre. Mais un enfant, quand tu prends un enfant et tu formes, il apprend facilement la langue des Chaldéens. Il va vite. Toi, tu souffres, fais-le, parce que la langue est déjà habituée à Nyamboué. Nyamboué. Antelope fumée. Voilà pourquoi l'anglais, là, c'est lourd sur votre... Ça pèse sur la langue. La langue maternelle aussi ajoutée. Mais un jeune garçon, par exemple, David et Senna, si tu les amènes en France aujourd'hui, tu les laisses pendant trois ans, le français qu'ils vont parler, hein, tu ne vas pas comprendre. Yeah. Des jeunes garçons, même un an. Donc c'était des jeunes garçons capables d'apprendre. À son âge, il savait la différence entre juste simplement manger et se souiller. Toi, vieux comme tu es, fait tous les messages qu'on vous a prêchés, tout ce que tu as entendu, c'est même pas encore entré. C'est pas entré. Tu n'as toujours pas compris. Dis à ton voisin, vieux comme tu es. Tu n'arrives toujours pas à comprendre. Résolu de ne pas se souiller. Alléluia. Amen. Amen. Are you listening to me? Donne-nous des légumes à manger et de l'eau à boire. Des légumes et de l'eau. Un sacrifice. On dirait que c'est un sacrifice. On dirait que c'est un sacrifice qu'ils allaient souffrir. Mais la Bible dit qu'après les dix jours, ils étaient mieux placés. Ils étaient meilleurs. La Bible dit après, vous allez lire, dit, un esprit d'excellence était sur eux. Lorsque vous faites un sacrifice pour Dieu, vous serez étonné de comment vous serez béni. Jésus dit que personne qui va laisser sa famille, sa mère, son père, tout ça pour me suivre, la personne sera récompensée d'une manière ou d'une autre. Amen. Tu ne peux pas faire ce sacrifice si c'est un sacrifice pour Dieu et quitter sa présence sans une bénédiction. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? pas la joie, c'est pas la paix. Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes anxieux, vous êtes inquiet, vous inquiétez pour des choses comme ça. Des choses temporaires, éphémères. Moi, je connais les projets. Est-ce que toi, tu sais ce que tu seras ou où tu seras dans 5 ans? Même pas 5 ans, tu ne sais pas. Aucune idée. Même dans 2 ans, tu ne sais pas. Mais Dieu dit, je connais. Ce sont des projets de souffrance. Projets de malheur. De misère. Je te promets. Tout ce que je sais, c'est que Dieu m'a promis des jours de bonheur, des jours de paix. Donc je sais que quelque part dans mon avenir, j'aurai ces choses. Amen. Mais ça dépend des décisions que je prenne aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas ancrés dans la parole. Voilà pourquoi tout vent de doctrine, tout vent de tentation, en même temps. Caviar. J'ai jamais goûté le caviar. J'ai jamais goûté le caviar. Pâté de foie gras. Le foie de canard. Hey. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Hey. Hey. Tu manges quoi? Caviar? Hey. Hey. Tu ne sais pas qu'il est en train de se souiller big time. Contente-toi de tes légumes et de l'eau. Contentez-vous de légumes et de l'eau. Contente-toi de ton kinké et de ton poisson. Ne courez pas après le caviar et la foie gras. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils mangent kinké et piment. C'est fini. Il n'y a pas de poisson, rien. Il dit, donnez-moi 2 CDs, watché et la sauce. Pardon. Pas d'œuf, pas de rien. Contentez-vous des légumes et de l'eau. Pour ne pas se souiller. Mais prenez cette résolution maintenant. Lorsque tu es jeune, lorsque tu es en train d'apprendre, toujours en train d'apprendre. Amen. Pour ne pas tomber le jour de tentation. Amen. Alléluia. Verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Meilleur visage. Au bout de 10 jours. Pendant les 10 jours, on dirait qu'ils souffraient. Pendant le temps de votre sacrifice, les gens vont penser que tu souffres. Pendant le temps où tu es ancré, tu es fixé dans ta résolution de ne pas se souiller, des gens vont penser que tu souffres, que tu es idiot, tu es bête, tout ça devant toi, tu refuses. Oh, mais toi là, tu n'es pas normal. Toutes les jeunes filles qui se jettent à tes pieds, tu les refuses toutes. Je connais un jeune qui était ici. Quand il est retourné, c'est sa mère qui lui a dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Toutes les filles qui viennent te rendre visite, même pas un, tu prends même pas un, c'est sa mère. Sa propre mère qui lui disait ça. Tu refuses toutes les filles qui viennent à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant les jours où tu te sacrifies et tu refuses de te souiller, les gens vont penser que tu as perdu la tête. Que tu n'es plus normal. Oh, tu souffres beaucoup, pauvre de toi. J'ai pitié pour toi. Il faut dire, it's okay. It's okay. Je sais que demain sera meilleur pour moi. Amen. Je sais que mon avenir sera brillant. Je sais que mon avenir sera bien. Parce que c'est Dieu qui me l'a promis. Amen. Aujourd'hui, j'ai l'air de quelqu'un qui souffre. De quelqu'un de maboule. Is that how you say it? C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, mais tu t'es marié trop vite. Oh, mais toi aussi. Tu t'es marié trop vite, trop jeune. Pourquoi tu te presses? Tu te presses pourquoi? Enjoy un peu de la vie. Laisse ta femme tranquille là-bas. On dirait que tu es mabou. Tu es... Tu as perdu. Il y a quelque chose qui est parti lorsque tu étais au Ghana. Ils t'ont lavé le cerveau. Ils t'ont lavé le cerveau. Voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Ne sois pas intimidé. Gardez vos yeux fixés sur la croix. Gardez vos yeux fixés sur votre Dieu. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Futur leader dans la maison de Dieu, prenez une résolution aujourd'hui, dès aujourd'hui, maintenant, pour que le jour où vous serez face à une situation difficile, de tentation grave, la résolution va tenir. Amen. Alléluia. Vous serez tenté, je ne peux pas vous mentir. Des bonnes choses vont passer devant toi, je ne peux pas vous mentir. Des belles personnes vont passer devant vous. De l'argent, vous serez tenté. Amen. Je suis confiante et je crois vraiment à une chose. Ceux qui se confient en l'Éternel, amen, renouvelleront leur force. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. Il fera le reste. Ne dépendez pas de votre intelligence, de vos idées, de votre propre sagesse, votre stratégie. Dis, ok, Lady Pastor, je compte, c'est ce que je compte faire, c'est, je vais dire oui, hein, juste pour les faire taire, pour le moment. Je vais dire à un moment que oui, c'est vrai, je ne partirai pas à l'église. Et après un temps, quand il ne sera pas trop, je vais lancer encore la demande. Wow! Ne dépendez pas de vos stratégies. De vos idées. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, il dirigera. Il vous conduira sur les bons sentiers. Amen. C'est Dieu qui a la réponse. C'est Dieu qui a la clé. C'est Dieu qui a la solution. Amen. Dépendez de lui. Et vous verrez combien ça serait facile pour vous de garder vos résolutions. Alléluia. Stand to your feet. Amen. Wow. Capable de se tenir dans la maison, dans le palais du roi. Yeah. Dans le palais du roi. Seigneur, je veux être parmi ceux que tu vas choisir pour servir dans ton palais, pour servir dans ta maison. Ce n'est pas tout le monde ici qui sera leader dans la maison de Dieu. Ce n'est pas tout le monde ici qui va tenir jusqu'à la fin. Mais décide dès aujourd'hui que toi, tu seras parmi ceux qui vont tenir, qui vont rester jusqu'au bout. Décidez que c'est vous qui va rester. C'est vous qui va rester ou qui allez rester. Seigneur, merci. Ouvrez votre bouche aujourd'hui. Vous êtes leader. Priez. Priez Dieu. Dites, Seigneur, je veux être parmi ceux que tu vas choisir, que tu vas appeler à servir dans ta maison. Je veux faire partie de ceux que tu vas appeler. Je veux garder ma résolution de ne pas pécher contre toi, de ne pas me souiller. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, merci pour cet enseignement. Mandolo bocheita branda saban. Kiri anda la basote. Baka, baka, dosto bronde. Landerebaka, deba sonobo, shendereba, shendereba, shendereba, mato tobere ete, kalanta, branda, bleste, fato prostelema, deba koto. Oh, je refuse de suivre les mains sur la table du roi. Je refuse de suivre les tentations qu'ils vont placer devant moi. Je résous dans ma tête et dans mon cœur de te suivre, de te suivre, de te servir. Oh Seigneur, remplis-moi de sagesse, d'intelligence. Remplis-moi, Seigneur, de sagesse et d'intelligence. Que je sois capable de tenir dans le jour, dans le mauvais jour. Makoto bereyandalaba saita kori. Keta bondolobo shandala mama. Make, maso, malan. Bram, ekte, malos. Oh Seigneur, Seigneur. Karondolobo shendere bababa. Kinalo sobrondolobo shetaba. Kindere bobo. Sata borondolobo shende. Oh Jesus, oh Jesus. Makoto berede, mala, maran. Debra, debra. Kato bere bala basoto bere bere bebe. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Karondo lobo shende. Oui, je veux rester dans ta maison. Je veux servir dans ta maison. Kabondo lobo shende re baba taita. Korondo lobo shende. Kini andara baba doso bere malanda. Mako tobele baba doso deriende. Kando sobere balanda. Bakato ndere baba. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Meta bonondolo mokronde. Bougez la paix. Thank you, Jesus. Oui, dans ta présence, Seigneur. Thank you, Jesus. Il y a ce lieu où je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Oui, dans ta présence. Oui, dans ta présence. Seigneur, je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi. De toi. De toi. Me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, de toi, de toi, me rapprocher de ton trône. Il y a un seul lieu où j'ai la grâce, il y a un seul lieu où j'ai la grâce, où j'ai de la grâce. Dans ta présence, Seigneur, il y a un seul lieu où j'ai de l'espoir. Il y a un seul lieu, oh, où j'ai de l'espoir. Oui, dans ta présence, Seigneur, je veux me rapprocher. Ce lieu où j'ai la joie, il y a ce lieu où j'ai la joie, où j'ai la joie. C'est en ta présence que je suis rassurée, Seigneur. Oui, dans ta présence, c'est il y a ce lieu où je n'ai plus peur. Il y a ce lieu Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Hallelujah. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît.